Bonjour à tous et bienvenue dans cette 9e édition de 7e fréquence. On est le dimanche 8 décembre 2019 et je suis accompagné de mes deux fidèles compagnons. Il en manque un malheureusement. Messieurs, comment est-ce que ça va? Eh ben ça va très bien. Ben ça va, impeccable. Super, bon je vous ai pas présenté mais bon on sait très bien que vos voix sont Joss et Romu, n'est-ce pas? On fait un petit bisou à Jérémy évidemment qui est encore en train de travailler à l'approche des fêtes de Noël. Voilà, on t'embrasse, courage frérot, on est déçu de pas t'avoir mais bon on a pas trop le choix, tant pis, on va faire cette émission à trois. Il va vendre des Baby Yoda. je crois que tu l'as fait la semaine dernière celle-là déjà. Tu l'as fait toute la semaine. On a vraiment le même début d'émission à chaque fois, c'est incroyable. Bon bref, on va passer directement au New Cinéma. Vous allez voir, le programme, il a légèrement changé. Hein, on va raccourcir un petit peu. On essaie de raccourcir l'émission, mais bon, je suis pas sûr que ça marche pour cette fois-ci, parce qu'on a eu une semaine cinéma de dingue avec les trailers, avec les news, etc. Mais on va en parler bientôt. Il y a deux sujets qu'on va éviter, parce qu'il y a des news toutes les semaines. C'est The Joker et la Snyder Cut. Bon, on en parlera quand on sera vraiment fixé sur le pourquoi du comment de chacun. Et on va commencer par contre par la fameuse news The Batman qu'on a toutes les semaines. Joss, tu sais de quoi on va parler, je suppose. Oui, un nouveau nom casting, c'est ça. Ouais, on a Peter Sarsgaard. Alors si vous voyez pas qui c'est, il a joué dans Esther, Escobar et Les Sept Mercenaires, par exemple, récemment. Et il rejoint le casting dans un rôle inconnu. Donc d'ailleurs, ça n'avait pas leaké avant avant que Matt Reeves le mentionne sur Twitter. Donc c'est étonnant. Mais voilà, est-ce que Joss, toi, peut-être tu présupposes un rôle ou pas? Bah, on pense peut-être à Harvey Dent, du coup à double face, même si on parlait de Matthew McConaughey dans un premier temps pour le rôle. Mais là, en tout cas, on nous annonce Peter Sarsgaard pour le rôle. Est-ce que ça sera pour Harvey Dent? C'est possible. En tout cas, ce que j'ai vu sur Internet, ils disent flic corrompu ou Harvey Dent. Donc, je pense que ça se peut que ça soit Harvey Dent. Ouais, bon, ça, je t'avoue, ça m'embêterait que ce soit pas Matthew McConaughey pour le coup. Ouais, un petit peu déçu, ouais. Dommage. Ouais, et toi, qu'est-ce que t'en penses, Romu? Alors, attention, c'est juste, Sarsgaard, ce n'est pas à confondre avec la famille des Skarsgård, hein, c'est pas pareil. Ouais, c'est deux, ouais, c'est autre chose. Okay. Bon, ça doit être la même nationalité, quand même. Il fait pas partie de la famille... Skarsgård, non, pas du tout, putain, non, non. C'est Sarsgaard, ouais. En fait, Sarsgaard. Ouais, c'est ouais, Sarsgaard. Ouais, c'est compliqué, purée. Ouais, et du coup, toi, on en a parlé pas mal avec toi, mais je crois qu'on n'a jamais eu vraiment ton avis sur le film The Batman, Romu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, moi je l'attends parce que voilà, il y a un casting assez intéressant. Est-ce que tu l'attends vraiment ou est-ce que tu l'attends comme ça? Bah, je l'attends comme ça pour l'instant. On n'a pas d'image encore qui a fuité, tu vois. Non. Donc, je sais pas. Son tournage n'a même pas commencé donc tu peux pas voir. Ouais. C'est et ça. Il doit commencer quand le tournage? Début d'année prochaine. Ouais, okay. Moi ce que j'ai hâte de voir c'est Pattinson dans son costume en vrai. Ouais, ça sera ça, je pense, la première image qu'on verra de toute façon. Ouais, il y a des photos qui ont fuité de Pattinson. Bah, enfin, c'est pas des photos fuitées, quoi. C'est juste que bah, Pattinson, il s'entraîne, quoi. Et bon, voilà. Bon, The Batman, on en parle quasiment toutes les semaines, même si on n'en a pas parlé la semaine dernière. On verra bien comment ça évolue avec au fil du temps, mais ça sera vraiment, je pense, le film quand il sortira, duquel on aura le plus parlé, tout simplement, depuis le début de la chaîne. Ah ouais, ça c'est sûr, ouais. Par contre, on va passer une news un petit peu plus OZEF. Je sais que toi, tu as vu Aladdin, Josh, je sais pas pourquoi, Romu. Un spin-off sur le prince Ander en préparation pour Disney+. Ça sera sans moi. N'importe quoi. Sans toi? Bah, déjà, de base, c'était sans toi, Aladdin, non? Ouais, ouais, bon, je l'ai vu, hein. Mais là, non, là, ça va trop loin et ça m'intéresse, mais alors pas du tout. Mais il n'y a pas Will Smith, ça va? Non, non, même s'il n'y a pas Will Smith, peu importe, là, franchement, il tire trop sur la corde, et franchement, ça m'intéresse, mais alors absolument pas, quoi. Bon, pour une fois, on va pas chier sur la colle, c'est quand même un film original. Ce n'est oui, pas une adaptation. C'est un film original, mais c'est toujours pareil, quoi. Enfin, ça m'intéresse vraiment pas, quoi. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Après, on attend d'en voir plus, peut-être, mais je vois pas, ouais, qui c'est qui peut être hypé par ça, quoi. Ouais, mais à ce moment-là, on peut faire des spin-offs sur tous les personnages, quoi. Ah, mais toi, tu connais pas Disney ou quoi? Ne propose pas tes 10 ans de malédiction, là, parce qu'ils vont le faire après. Donc bon, c'est un peu flippant, mais bon, ça, c'était la news OZEF, du coup, on va passer assez vite. Joe Johnston, le réalisateur de Chéri, j'ai rétréci les gosses, reviendrait pour réaliser la suite. Bah, qu'est-ce que... Voilà, c'est toujours pareil, c'était un film un peu culte d'il y a plus de 20 ans, même 30 ans, s'il faut maintenant... Et pas qu'on s'en fout, mais alors après, au moins, c'est lui qui fait la suite. On va dire, au moins, ça donne un intérêt, un semblant d'intérêt au projet. Mais après, est-ce que c'est pas un peu ringard, ça, maintenant, rétrécit les gosses, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, j'attends de voir. Pour le coup, j'enterre pas le projet tout de suite, mais j'attends de voir. Bah après, ouais. On a une autre version de Chéri, j'ai apprécié les gosses avec Ant-Man. Oui, voilà, ouais. Déjà. Alors certes, mais là on parle quand même d'une suite, puisque ce serait le petit de l'époque qui jouerait le père dans celui-là. Donc c'est quand même une suite, donc pour les gens nostalgiques, peut-être que c'est bien. Et ce serait pour le cinéma ou Le le cinéma, il me Disney Plus? semble. Ah Le ouais, cinéma, le cinéma. pour le Je sais pas si cinéma. ça appartient à Disney. Ah, après, c'est ça appartient à Disney, ça, non? Ouais, C'est ça appartient possible. à Disney. C'est possible, c'est Disney, possible. Ouais. ouais, après, Et c'est vous saviez peut-être on le verra que. sur Disney Plus, peut-être. Ça m'a étonné, vous saviez que les Ghibli sont coproduits par Disney? Ah ouais, non, je savais pas, non. Et Tous tu les vois, ça c'est Ghibli? méga étonnant. Une grosse partie, en tout cas une bonne partie. Hein. C'est, ouais, genre, mais en fait, si vous avez un Ghibli en Blu-ray, il y a Disney écrit sur la jaquette. Ah ouais, d'accord. Bon, bah. Moi, ça m'a Désolé, étonné, j'ai mais pas bon, trouvé. je. Ouais, toi, on sait bien que tu mérites la mort, mais enfin, c'est pas le sujet. On va passer à la prochaine news. On essaie de faire un petit peu vite. On va parler des Oscars pour se mettre en jambes. Moi, c'est un sujet que j'aime tout particulièrement. Toutes les années, essayer de prédire les Oscars. Ça fait quelques années maintenant. Est-ce que vous avez entendu parler des 20 films qui seraient dans la course pour les meilleurs effets visuels? Ah non, tiens, non, ça j'ai pas vu. Ah, J'ai ben vu d'autres voilà. choses, mais Bon. ça j'ai pas vu. Les 20 films qui sont en présélection, donc, les sélections viendront un petit peu plus tard pour les choix définitifs, mais enfin, je vais vous les citer, on pourra réagir comme ça. Nous avons en premier Ad Astra, The Aeronauts, le film Prime Video avec Eddie Redmayne et Daisy. Ouais, Eddie Felicity Redmayne, Jones. je sais plus comment il s'appelle. Ouais, et Felicity Felicity Jones. Jones, tout à fait. Donc, The Aeronauts, Aladdin, Alita, Endgame, Captain Marvel, Cats, la comédie musicale qui sort bientôt, Dumbo, Hobbs and Shaw, Jumanji 2, Jamie Lee Man, The Irishman. Le Mans 66, Men in Black, Midway, 1917, Le Roi Lion, Far From Home, Dark Fate et Star Wars 9. La moitié des films, c'est des films Disney, on se le dit Bah ouais, direct. carrément, ouais, carrément. Bon. Après, il y en a pour moi, ils Après, ont c'est rien des à films. faire dans la liste. Hein. Même si c'est qu'une présélection, il y en a certains, ils ont rien à foutre De là. quoi tu parles, par exemple? Men in Black, ça n'a rien à foutre là. Ouais, j'avoue. C'est Ouais, incroyable. mais Tout le monde dit, ça n'a rien à foutre là. est-ce que ça a pas plus à faire là que Le Mans 66, par exemple? Ben, ouais, après, Le Mans 66, même si c'est un très bon film, meilleur effet visuel, qu'est-ce qu'il a à foutre là? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est assez étonnant, je trouve. D'ailleurs, ça, la présélection en globalité, même Captain Marvel, hein, qu'est-ce que ça fout là, quoi? Franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Moi, Après, je c'est qui pense qui va que. se le mettre dedans, en fait? Ouais, bah alors, donc, pour moi, celui qui a le plus d'intérêt là, c'est Ad Astra. Celui qui a le plus sa place, c'est Ad Astra. Ou Et mais, peut-être aussi alors, et, 1917, qu'on verra, mais qu'on n'a pas encore vu. et je peut-être pense The The Aeronauts Aeronauts aussi. aussi. Ouais, parce que d'après les premières images que j'ai vues, ça a l'air juste exceptionnel Alors, en ouais. termes de visuel. Alors là, le truc est complexe. Je vais vous citer par exemple les films qu'on a eu les années précédentes pour vous donner un petit peu une idée, et puis je vais vous poser une question. Donc, en 2019, on a eu First Man. En 2018, on a eu Blade Runner 2049. En 2017, on a eu Le Livre de la Jungle. En 2016, on a eu Ex Machina. En 2015, on a eu Interstellar. En 2014, on a eu Gravity. En 2013, on a eu L'Odyssée de Pi. Et en 2012, on a eu Hugo Cabret. Alors, en fait, si vous prenez cette liste, tous les films sont très bons, sauf Le Livre de la Jungle, qui pour moi n'est pas un film exceptionnel. Est-ce que, en plus d'être très bon en termes d'effets visuels, le film a besoin d'être bon en termes d'histoire et de film, tout Ah, je simplement? pense pas, je pense qu'ils jugent que les effets visuels, hein. Et si on regarde aussi bien, il y a beaucoup de films qui concernent l'espace. Ouais, c'est Ouais, pour c'est ce ça que que j'allais quand t'as dire. dit la liste, ouais, j'ai dit bah c'est Ad Astra qui va gagner alors. Alors, est-ce que c'est Ad Astra qui va gagner ou pas? C'est vrai que ce serait aussi. Alors, Ad Astra est très bien et mérite de gagner, mais The Aeronauts, ça donnerait du crédit un petit peu à Amazon Prime Video et au service de SVOD de manière générale. Ce serait pas plus mal, je trouve. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai peur d'un truc, c'est que Disney, on sait qu'ils commencent à avoir la mainmise un peu sur le cinéma, sur beaucoup de choses. Est-ce qu'ils vont faire gagner une plateforme concurrence de la leur? Parce que là, du coup, Disney, ils rentrent en guerre avec Netflix, Amazon Prime. Et est-ce que, après, c'est un peu théorie du complot et tout, je sais pas, hein, j'en sais rien, mais est-ce que ils vont faire gagner, du coup, un concurrent direct? J'ai un gros doute là-dessus. Mais Bah, je après, c'est pense pas que une c'est. catégorie principale, donc Ouais, mais ça peut les faire chier quand même, tu vois, mais je sais l'année pas. dernière, t'as Romain qui a gagné un prix, donc enfin, qui a gagné plusieurs prix, donc pourquoi pas, tu vois. Bah ouais, mais là, ils ont encore pris encore plus l'ascendant Disney, Bah, là. l'année dernière, si tu regardes, c'est surtout Black Panther hein, que j'ai Ouais, jamais vu aussi. regarde Black Panther, Et ce Black qu'ils ont Panther, il n'y avait gagné. pas Disney+, Disney n'avait pas racheté la Fox, etc. Donc je pense que cette année prévaudra des années suivantes en termes de concurrence aux Oscars et de surtout qui a la mainmise. Parce que si cette année, la plupart des films qui remportent, sont des films Disney, bah, les Oscars n'auront plus aucune crédibilité. Ah bah c'est clair, faudra regarder autre chose. Et donc ce sera compliqué. Le film Cats qui a été prénominé, ouais. C'est un film Disney ou... Je crois pas. C'est une comédie musicale. Vous avez pas vu la bande-annonce avec des espèces de chats là? Ah non, moi j'ai pas vu. Chats en 3D, ouais. C'est horrible. Ouais, non, humain, tu sais, mais ouais, enfin, non, je crois que c'est des humains maquillés, non? Ouais, mais c'est de la 3D. Je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. Je me suis pas renseigné à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est une comédie musicale. C'est le seul truc que je sais. Voilà. Moi, 1917, c'est un film en plan séquence. Oui, c'est un film en plan séquence. Ouais. 1917 pourrait le mériter aussi, je pense. C'est pour ça que j'ai dit, nous, on peut pas encore le jouer, parce qu'on l'a pas encore vu, parce qu'il sort en janvier pour nous. Mais je pense que, oui, 1917, sur le papier, ah, il est favori, sur le papier, en tout cas. Ouais, j'avoue, 1917 a l'air incroyable, en vrai. Ouais, carrément. C'est vraiment l'un des films qui me le hype le plus, là, qui sort dans les prochains mois, là, c'est vraiment ce que j'attends le plus. Bah, j'ai un ami qui a eu l'occasion de le voir en avant-première, et il a dit que c'était vraiment une expérience. Ouais, je pensais pas vivre ça un jour en salle. J'ai vu des bons retours aussi sur Twitter de gens qui en parlaient, que c'était quand même assez bon. Après, le film, il est un peu fait pour moi. Moi, j'aime tellement les plans séquences. Et là, tu m'offres un film en plus d'action en plan séquence. Ça a l'air assez dingue, quoi. Ça a l'air ouf. D'autant que le rôle principal, je connais pas son nom, mais il est pas très connu. Pourtant, c'est un très bon acteur. Il a fait quoi? Je sais même pas qui c'est. Attendez, je vais chercher vite fait. Tac, je vais vous dire. Tac. Il s'agit de... déjà, il y a Richard Madden, donc ça... Oh, il y a Benedict Cumberbatch aussi. Ah ouais, il y a un monde singe. Andrew Scott. C'est George Mackay, bah, c'est pas compliqué, c'est le personnage principal de The True History of Kelly Gang. Vous vous rappelez de la bande-annonce? Ouais, je m'en rappelle. Ben voilà, c'est... Avec Russell Crowe. Oui, voilà, c'est ça. Bah, il a joué aussi dans Captain Fantastic, notamment. Ok, c'est bon. Et donc voilà, lui je trouve qu'il est pas très connu, mais je pense qu'il va se faire une petite place à Hollywood, notamment après 1917. Mais en tout cas, il y a un bon casting hâte de voir ça. Mark Strong aussi, tiens, Colin Firth aussi, ok. Ouais, on a quand même un bon gros casting. Hein. Ouais, c'est bien. Bon, ma foi, tant mieux, ça prévaut que du bon aussi. On va passer à la news suivante, un nouveau film La Planète des Singes par Wes Ball, réalisateur du film Le Labyrinthe. Alors, on va commencer par toi, Josh, je sais que t'es pas trop Le Labyrinthe. Maintenant, justement, est-ce qu'on peut avoir ton avis sur le film et peut-être sur la réelle, justement? Alors déjà, moi, le projet, ça ne me branche pas du tout parce que j'aime tellement ce qu'ils ont fait les trois derniers films, La Planète des Singes. Je trouvais que Matt Reeves, sur le troisième volet, il concluait ça tellement bien, c'était tellement parfait. J'aime tellement La Planète des Singes, le numéro 3, le dernier qui a été sorti. Du coup... Ça me fait chier qu'ils veulent faire une suite parce que je me dis ça allait encore une suite qui est pas utile. On parle pas d'une suite pour l'instant, on parle d'un nouveau film. On sait pas si c'est une suite. Ouais, on se doute que. Enfin, l'un dans l'autre, que ce soit une suite ou un remake, c'est bon, on a compris. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, inventer une histoire, mettez-vous sur une table et innover parce que La Planète des Singes, là, je pense qu'on a fait le tour, on a compris. Ça a été très bien fait là dernièrement. Et je pense que voilà, il faut laisser la chose tranquille. Alors en plus, le réalisateur du Labyrinthe. Est-ce que Joss, Le Labyrinthe, parce que j'en ai vu que deux sur les trois, est-ce que c'est lui qui a fait les deux premiers? C'est le même réalisateur? Il a fait la trilogie. Il a fait la trilogie? Ouais, moi, Le Labyrinthe, bon, j'aime pas, je suis pas la cible. Alors, autant le 1, je pouvais lui trouver un petit côté intriguant quand même, tu vois. Alors, j'ai vraiment pas aimé, mais au moins, tu t'es dit à la fin, ah tiens, qu'est-ce qui va se passer? Mais alors, le 2, j'ai détesté, mais vraiment, j'ai trouvé ça, mais... horrible, j'ai détesté. Et du coup, le projet, du coup, il m'intéresse pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Ok. Après, on sait. Est-ce que vous savez pourquoi ce film-là, on en parle? Non, pas spécialement. Parce que c'est pas, Disney, ça va sortir sur Disney Plus. Disney vient juste de récupérer la licence. Ah ouais, d'accord. Directement, ils ont voulu faire leur film. Ah bah c'est voilà. La Fox à la base. Et donc Disney veut en faire son film. Pour moi, le plus intéressant, je pense que ce serait presque un remake du tout premier, en fait, avec à l'époque, quand ils étaient dans l'espace un peu, c'était complètement ridicule. Maintenant, peut-être avoir un truc un peu new generation, je pense que ce serait le plus intéressant parce qu'il n'y avait pas besoin de faire une suite au film qui est sorti en 2017, hein, de Matrix. Ouais, qui est récent, en plus, ouais. Ouais, ouais, voilà, qui est très récent. Ouais, non, mais... Franchement, à voir quand ils se seront décidés. Pour moi, Wes Ball, il avait un côté intéressant. C'est pas un excellent réalisateur, mais je trouve que dans Le Labyrinthe, il gérait bien sa caméra. Souvent, il décadrait pendant des courses et ça marchait très très bien en termes de vitesse, je trouve. Et c'est un mec qui avait quelques idées. Donc pourquoi pas, à voir au final. Toi, Romu, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi, ça m'embête parce que Disney a annulé son projet de film d'animation, d'adaptation de roman. Vous avez les... Il y a les premières images qui sont disponibles sur YouTube. Moi, ça m'embête parce que voilà, on a eu une très bonne trilogie. Je sais pas de quoi tu nous parles. De The Mouse Guard. Mais ça fait belle lurette. Attends, mais quel est le rapport? Bah, quel est le rapport? C'est qu'il s'est investi pas mal sur le projet. Il y a 9 minutes qui sont disponibles sur YouTube. Donc je vous laisserai regarder, c'est vraiment super beau. Et bah moi, ça me fait chier qu'ils se mettent sur... Enfin, ça m'embête vraiment qu'ils se mettent dans des projets comme ça, tu vois. C'est un peu trop tôt pour moi de faire une suite à La Planète des Singes. Enfin, de faire un nouveau film, La Planète des Singes. Un peu trop tôt. En plus, dans le temps, c'est trop tôt. On a encore l'autre en tête et tout. Enfin, c'est trop... Déjà, pour moi, c'est pas utile. Et il a raison, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Ouais. Bon, c'est vrai, après, il n'y a pas de... Chacun son point de vue. Je sais que Jérém, il est archi fan des premiers La Planète des Singes et qu'il adore aussi la nouvelle trilogie. Faudrait lui demander son avis pour savoir ce qu'il en pense. Ouais, ça serait intéressant. Je crois qu'il est chaud, hein, de mémoire. Je crois qu'il est chaud quand on en a parlé. Oui, parce que du coup, lui, vu qu'il est fan de l'univers, ça le prolonge un petit peu son univers, tu vois. Voilà, mais... c'est ça. Je peux comprendre, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a quand même fait le tour de cette histoire, et en plus là, que ça s'en reprend plus par Disney, mais on n'aura même pas la violence un peu psychologique, graphique que peut avoir là la dernière trilogie. On va avoir un truc, j'imagine, bien à plat, bien nié. Ils vont bien nous mettre une histoire d'amour dedans, mais je vois gros comme une maison. Enfin, bref, ça m'intéresse pas du tout. On en reparlera pour la question de la semaine, justement, de Disney. En effet, ça va être l'un des problèmes majeurs des prochaines années. Mais on en reparlera, on y viendra. On a un débat très intéressant. On va passer à la prochaine news. Est-ce que vous avez vu l'extrait de The Witcher qui est sorti? Oui. Alors Non. Ah bon, je vais commencer avec Joss, du coup. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Joss? Eh ben, moi, ça me hype énormément. Ouais. Énormément, moi parce aussi. Que je trouve que... Putain, je trouve que, franchement, visuellement, ça en jette grave. Au niveau de l'action, je trouve que c'est bien foutu, c'est bien filmé. Honnêtement, The Witcher, ça me hype. Plus les semaines passent, plus ça me hype. Voilà. Ok, et quand le projet est sorti, t'avais hâte ou t'étais pas plus emballé? Alors, au tout départ, j'avais hâte parce que j'adore le jeu vidéo. J'ai pas lu les romans, je juge que par rapport au jeu vidéo, mais j'adore le jeu vidéo. Je me suis dit, ah, pourquoi pas en plus en série? Je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que les jeux vidéo, des fois, vaut mieux les faire en série qu'en film. Je pense que le format série est plus intéressant pour faire du jeu vidéo. Donc, ça m'intéressait. Alors après, je vais être honnête, quand j'ai vu le premier visuel d'Henri Cavill, qu'il avait mis d'ailleurs sur son compte Insta, quand la première fois qu'on le voyait en fait en Gérald, j'avais trouvé ça ultra dégueulasse, mais comme tout le monde, hein, je pense que c'était, voilà, franchement, c'était mais d'un dégueulasse, horrible. Et en fait, maintenant, on voit avec le temps que, voilà, avec les effets, avec, je pense qu'ils l'ont un petit peu sali aussi, parce qu'ils faisaient trop gueule d'ange, à mon goût, en tout cas, et je pense au goût de tout le monde, ils l'ont un petit peu sali, comme on voit là dans le film. Mais après, Gérald de Rive, il est comme ça. Au tout départ, après, il est un peu balafré, c'est un vieux grisbard, il a de la barbe, il est... tout départ, alors dans les premiers jeux, ouais, il est en mode jeune, donc il est comme ça. Mais après, on a comme tous l'image du Gérald un peu badass, un peu gueule cassée, tu vois, charismatique. Là, honnêtement, j'avais plus l'impression de voir, comme il disait, le personnage de Seigneur des Anneaux, Legolas, que Gérald, tu vois. Mais bon, en tout cas, là, je trouve que plus ça va, mieux c'est, et j'ai hâte de le voir. Et justement, l'extrait sorte, on a eu les premiers retours des critiques qui ont pu voir les premiers épisodes. Et ce que les critiques disaient, bon, malheureusement, la comparaison, étant donné que c'est de l'heroic fantasy, est faisable, c'est que ça mettait, en termes de bagarre, Game of Thrones à l'amende. Et franchement, si, quand on a vu l'extrait là, ça se continue et tout est comme ça en termes de mise en scène et en termes d'action, franchement, ça a l'air d'être supérieur en termes d'épique. Ouais, bah, tant mieux. Moi, c'est ce que je demande, hein, tant mieux, tant mieux. Et du coup, Romu, t'attends le projet, toi? Pas plus que ça, mais bon, comme ce sera disponible sur Netflix et que j'ai un abonnement, je regarderai. Mais sans grande conviction. Bon, bah, il n'y a plus que 2 jours à attendre, en tout cas, pour voir ce qui se passe. On va passer au trailer de la semaine. Ça sort le 20 décembre. Ah, ça sort dans 2 semaines. Dans 12 jours, ouais, c'est ce que je viens de dire, du coup. Ah, j'ai compris 2 jours, pardon. Ouais, moi aussi, j'ai compris 2 jours, pour le coup. Ah, pardon, j'ai dit 12 jours. J'ai dit 12 jours, excusez-moi. J'ai peut-être mâché le 1. Bon, on passe au trailer de la semaine. Par quoi est-ce qu'on commence, messieurs? Il y a trop de trucs. Bah, je pense qu'on peut évacuer les Disney. Ah bah, ouais, on va parler de trucs intéressants après, comme ça. Ouais, évacuons les Disney, ouais. Allez, on commence par Black Widow. Qui veut prendre la parole? Vas-y, Romu, je te laisse commencer. Bah, Black Widow, c'est le film qui va ouvrir la phase 5 du Marvel Cinematic Universe. Moi, j'ai trouvé la bande-annonce intéressante parce que ça s'éloigne un peu des Avengers, des films à gros spectacle. Il y a un côté un peu espionnage, un peu indépendant, donc moi, je suis hypé. Joss? Alors moi, ouais, alors j'étais un peu boussolé parce que quand je voyais la bande-annonce, parce que je me suis dit, c'est clair qu'on n'est vraiment pas dans Avengers et dans ce qu'ils font habituellement. Après, où il y a un petit truc qui m'a dit, ah, pourquoi pas, c'est qu'on a un petit côté, comme il a dit Romu, espionnage, un petit peu comme le soldat de l'hiver. Tu vois, ce Captain America, soldat de l'hiver, je pense que c'est mon préféré du film Marvel. Voilà, je pense que c'est mon préféré. Et du coup, voilà, on retrouve un petit peu ce côté espionnage. Donc voilà, pourquoi pas. Mais j'ai quand même un côté où je suis un petit peu déboussolé, surtout que c'est un personnage qu'on a vu mourir. Donc là, on la voit un film sur elle. Et, voilà, c'est un petit peu... Moi, ça me perd un tout petit peu. Voilà. Après, honnêtement, pourquoi pas. Voilà, c'est une bande-annonce qui est assez bien rythmée. Elle peut donner envie. Pourquoi pas. Et c'est bizarre c'est ça de commencer la phase 5 comme ça. Hein. Oui. Non, moi je trouve pas comme conclure la phase 3 par Far From Home. Non. La phase 4. Non, on sort de la phase 3 là. Non. Bah non, c'est la phase 4. Oui, là on commence la phase 4 hein, du coup. Oui, on commence, oui, on sort de la phase 3. Non, oui, on sort de la phase 3, on commence la phase 4. Tu vois, on a conclu la phase 3 par Far From Home, donc est-ce que c'est choquant, je sais pas. Maintenant, moi, ce que je trouve très bizarre, c'est qu'en effet, tu l'as évoqué, Joss, Disney, qui a un calendrier comme pas permis sur 38 ans d'existence, comment ils peuvent tuer quelqu'un et puis en faire un film derrière? Et une série après, parce qu'elle va avoir sa série, Black Widow, en plus, hein, sur Disney+. J'en ai jamais entendu parler de ça, t'es sûr? Ouais, elle sera présente dans une des séries d'un des personnages qu'ils vont faire sur Disney+, et il y aura Scarlett Johansson dedans. Elle sera... tu parles pas de What If, par hasard? Non. Il y a un des personnages là, que j'avais vu, ils veulent faire une série dessus, je sais plus c'est lequel, et il y aura Scarlett Johansson dedans. Ok, bon écoutez, pour le coup, moi, pour m'exprimer sur le trailer, pardon, je suis d'accord avec vous, on est loin des films Marvel, et je pense que ça va être très très très rafraîchissant. Et puis, Scarlett Johansson... On va en parler justement après. C'est une très bonne actrice. Maintenant, son rôle Marvel, c'est pas ça qui lui sert d'étendard, on va dire, pour sa carrière. Non, mais ça fait toujours plaisir de la retrouver. Et puis, tu sais que, bon, voilà, ils ont pas mis... c'est pas non plus Black Widow, n'importe quel personnage. Et je pense qu'il méritait le personnage quand même, parce qu'on connaît pas du tout ses origines, un film à lui. Ouais. Donc, pourquoi pas. D'autant qu'il y a un bon casting. Moi, j'allais dire, parce que sa sœur, c'est notre copine de Midsommar. Alors, c'est ma copine, donc tu restes tranquille. Oh, c'est Florence Pugh, c'est ça? Florence Pugh, oui. Bah, ouais, si tu le prononces comme ça, frérot, aussi. Je sais pas comment Pugh peut pas avoir un nom normal. Non, bref. Mais ouais, le casting est très intéressant. On a aussi Pearl Harbor. David Harbour, pardon. Ouais, David Harbour, ouais. Qui a pris, comment dire, quelques kills hein, pour ce rôle. Ouais, bah après, il a jamais été très fin non plus. Hein. Non mais après voilà, c'est sympa de le retrouver, mais honnêtement, il n'y aurait pas eu de blague comme il y a eu là dans le trailer. Je pense que ça aurait été l'une de mes plus grosses attentes, parce qu'un film qui change en fait, tout simplement. Infinity War, typiquement, où t'as de la blague, mais en même temps derrière tu sais que c'est dramatique quoi. Non oui, mais c'est pour ça, pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas, voilà. Bon, c'est pas le, ouais, bon, allez, on va passer, c'est pas le pire, on va dire. On a qu'à passer au trailer de Mulan. Perso, Mulan, c'est mon enfance un petit peu, donc je l'ai vu beaucoup de fois quand j'étais petit. Mais là, j'avoue que je suis pas du tout hypé en fait. Je sais pas pour vous. Ben moi, je juge pas par rapport au dessin animé parce que Mulan, c'est un des Disney que j'ai le moins regardé, que je connais le moins en fait. Donc du coup, là, j'ai regardé la bande-annonce vraiment en mode, allez-y, faites-moi une bande-annonce qui me donne envie. Ben honnêtement, ça m'a, mais alors pas du tout donné envie. Ça m'a même pas inspiré. Ça m'a limite, je m'en fous, mais alors totalement. Alors j'irai le voir parce que au moins comme ça me permettra de mettre à jour ma culture Disney autographique. Mais honnêtement, je la bande annonce, moi je trouve que il y a rien d'intéressant dedans, mais vraiment rien, perso. Ouais, moi je suis d'accord. Robin, t'en penses quoi toi? Bah moi ça me fait pas envie du tout. Je pense que ça va être le film féministe de Disney. par excellence. Ah, ça c'est clair. Voilà, et puis, bah, je suis pas sûr. Hein. Après Mulan, c'est quand même très féministe comme, ça, comme hein. histoire de base, non ? Parce que de ce que je connais un peu de l'histoire, c'est quand même très féministe de base. C'est pas féministe, c'est juste que l'époque là-bas, c'était comme ça. Enfin, c'est une réalité, tu vois. Donc, ouais. tu peux parler d'un film qui traite ce sujet-là sans forcément te vendre comme le film ultra féministe et en faire ton porte féminisme. Bah, il y a déjà Captain Marvel en porte féminisme. Bah ouais, ouais, bon, ça va, il tirait pas trop sur la corde, non ? Non, mais quand même un petit peu, moi, je trouve. Ça, on était à la frontière, quoi, du parce que moi, ça me dérange pas. Hein. Tu peux faire un film féministe, tu me fais une héroïne badass, c'est que le film est très bien, je serais le premier content. Hein. Mais il y a toujours ce petit dialogue politique à la frontière du où ça devient pas trop lourd, trop pesant, et du coup, ça va desservir ton sujet et ton propos. Et par contre, ouais, j'ai peur que le Mulan. C'est clair que ça risque d'être, on va peut-être dépasser la frontière du trop politique, quoi. Alors c'est bien possible, mais maintenant, là où c'est étonnant, c'est qu'on a trois avis négatifs là sur le négatif dans le tout neutre, on va dire. Par contre, j'ai vu que tout le monde réagissait très bien et tout le monde était. J'ai vu aussi. Ouais. J'ai vu aussi. Bah au début, je veux dire quand tu m'as fait prendre la parole en premier, je me suis dit putain, je vais pas être d'accord avec eux parce que je voyais tout le monde. En mode Mulan, c'est incroyable et tout. J'ai dit putain, moi je vais dire que c'est de la merde. Et je vais dire putain, j'attends encore le seul qui va dire ça. Et en fait, du coup, ça m'a rassuré quand après je vous ai entendu dire non, c'est nul. Je fais ah, merci. Bon, c'est peut-être pas nul, mais enfin, non, mais ça donne pas moi, envie. C'est pas ce que j'attendais, franchement. Ouais, ça donne pas envie. Après, on verra peut-être. Au niveau de la promotion du film. Pourquoi ouais. L'actrice principale, elle a pris parti pour les manifestants à Hong Kong. Ah bon ouais. Bon, ouais, bah, t'inquiète, c'est pas grave, ils vont juste envoyer le film billet et on n'en parle plus, c'est Disney. Hein. En vrai, ils en seraient capables, donc bon. Quoi que je sais pas, pour Mulan, c'est quand même extrêmement attendu, Mulan. À voir. Bon, écoute, on verra bien, on va passer. Alors, si Mulan, ça, il est attendu, il est plus attendu Mulan que les Taladins, je pense, en vrai. Hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Mulan, c'est beaucoup moins populaire. Mulan, hein. Alors, Mulan, oui, ça c'est clair. Je connais beaucoup de gens où Mulan, c'est leur Disney préféré. Hein. Mais... Aladdin, par exemple, c'est beaucoup plus populaire. À Mulan, voilà, c'est populaire, certes. Mais ouais, bon, bref. Moi, Mulan, c'est mon Disney préféré, bien que je sois Disney. Mais bon. Bon, écoutez, on verra comment ça évolue, toute cette histoire. Peut-être qu'on aura un deuxième trailer plus intéressant, je ne sais pas. Peut-être. Mais du coup, on n'a qu'à passer à l'avant-dernier film de Disney. On va commencer par toi, Romu, Free Player. Ah. Free Player. Free Player, c'est une de mes plus grosses attentes de l'année 2020. Ou Free Guy en version originale, je sais pas. Oui, alors la traduction, elle est débile, mais bon, enfin bon, on n'en parlera pas. Voilà. C'est un film qui semble respecter les codes du jeu vidéo. Pour moi, ça ressemble beaucoup à un GTA le film, tu vois. Ouais, alors moi j'ai vu un truc différent de GTA le film. J'ai vu Ready Player One, mais en bien, quoi. Non. Et en plus trash. Ah oh, si, en bien, quoi. Avec un mec qui sait écrire quoi derrière. Et un réalisateur vraiment super bon. Enfin, un réalisateur que j'aime beaucoup. C'est qui ? C'est Sean Levy. Réalisateur Sean Levy, c'est de La Nuit au Musée, 13 à la douzaine, Real Steel, des films assez cool. Ah, et, au casting, on a Taika Waititi, Ryan Reynolds. Et, ouais. Bon, c'est pas qu'un caméo de Taika Waititi ? Non, je pense qu'il va jouer le méchant. Ah, d'accord, ok. Ouais, du coup, toi, t'attendais le film depuis un très long moment, et qu'est-ce que t'as pensé de la bande-annonce ? Romu. Ah, pardon. Ben, moi, j'ai adoré. J'ai adoré, tout simplement. Je l'ai revu 4 fois. 4 fois depuis sa sortie hier, donc autant te dire que c'est un film que j'attends énormément. Je pense ouais. Que... Alors, vas-y, Badjo, je vais te laisser la parole, puis après, je la prendrai. Alors, moi, déjà, faut savoir que je connaissais pas du tout le projet. Enfin, j'avais vu un peu sur le... contre Adrien Reynolds qui parlait ça, mais honnêtement, je connaissais pas du tout, je savais pas du tout de quoi ça allait parler, j'ai tout découvert en regardant la bande-annonce. Alors ouais, il y a ce côté naze et déjanté, et puis c'est ce que maintenant il fait Ryan Reynolds, voilà, il assume totalement, il veut faire que du déjanté, et bon, bah, pourquoi pas, ça marche plutôt bien pour lui quand il fait ça, donc il a raison de le faire. Après, moi, je suis pas trop fan de tout ça parce que je suis un peu premier degré. Alors après, ouais, donc de ce que j'ai compris, ça va être dans un univers de jeux vidéo. Donc du coup, le personnage, il peut faire un peu ce qu'il veut, ce que j'ai cru comprendre. Donc bon, pourquoi pas ? Ouais, voilà. Ouais, voilà. Donc voilà, pourquoi pas ? Et puis ça donne un petit côté. Toi, t'as dit GTA. Moi, ça, j'ai écrit Saint-Tro. Tu vois plutôt. Saints Row, ouais, okay. Okay. C'est pareil que Saints Row, globalement. Mais bon, oui, mais c'est pas le même. Ça, c'est plus dans la mafia, toi, plus sérieux, justement, que Saints Row, c'est beaucoup plus second degré, tu vois. Donc, ça m'a plus fait penser à Saints Row. Mais après, voilà, moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a certains trucs qui sont bien foutus dans la bande-annonce, mais j'attends de voir, en fait, toutes ces scènes d'action et toutes ces blagues, mais dans un récit, voir comment ça rend, tu vois. Donc, sur la bande-annonce, je dis, bah, pourquoi pas, mais. J'attends de voir vraiment dans le récit comment tout ça s'incruste et si le mélange est homogène et si ça rend bien en fait. Ok, alors moi, pour être franc, je suis mitigé en fait. Le projet m'intéresse beaucoup maintenant, c'est du déjà vu, c'est Deadpool en fait. Et ça me perturbe beaucoup. Ryan Reynolds, ça me fait chier qu'il parle comme ça parce que quand tu vois qu'il fait des films comme Buried ou The Voices, mais le mec est excellent. Et pourquoi il s'enferme dans ce genre de rôle? Bah, c'est peut-être qu'on lui propose que ça aussi maintenant. Et puis peut-être qu'il s'amuse, tu vois. Ça... Oui, il s'amuse, mais là pour moi, et franchement, il y a des répliques qui sortaient. Genre, quand la meuf elle assise sur lui et qu'il dit c'est deux flingues, j'avais l'impression d'entendre Deadpool. Hein. Oui, ça c'est clair. Il y a cette VF un peu iconique qu'on reconnaît tous qui fait vraiment Deadpool pour le coup. Et moi, ça me dérange un peu. Maintenant, le projet a l'air extrêmement couillu et ça c'est très intéressant. Voilà, je l'attends aussi du coup. Et c'est le retour de Sean Levy à la réalisation. Donc, ouais, bon, ça, moi perso, je m'en tape un peu le cornichon, quoi. D'accord. Parce que Daniel au Musée 2, on peut pas dire non plus que ce soit un grand film. Hein. Ouais, non, mais je parle dans cette idée de délire, tu vois. Real Steel et La Nuit au Musée, il y a un côté histoire. Dans Real Steel, il n'est pas du tout ce côté délire. Ouais, parce qu'il est très dur, même ce film. Enfin, pas dur, mais il est premier degré. Il est très sérieux. Bah ouais. Un peu triste, mais. Mais après, je parlais aussi du côté original, tu vois, c'est des histoires assez originales, genre La Nuit au Musée. Non, oui, mais ça, moi, j'adore La Nuit au Musée. J'adore. Ah oui, c'est sympa, c'est sympa. Pour les enfants. Pour Noël, quoi, un film de Noël. Hein. Ouais, un film de Noël, mais qui se passe pas à Noël, quoi. Ah oui, mais pour moi, tu vois, La Nuit au Musée, c'est un film de Noël, pour moi. Toi, tu regardes à Noël avec plaisir, quoi. Ça passe bien. Ok, très bien. Bon, on va passer au dernier film Disney+, je le mets en dernier, parce que pour moi, outre la surprise de Free Player, c'est le plus intéressant, le film Togo. Alors, très étonné de voir que c'est un film Disney, en fait, parce que ça n'a pas du tout l'air de Disney. Ah, moi, je suis pas d'accord. Ah bon? Ah, je trouve que ça fait Disney grave. Ah bon? Bah tiens, Romu, toi, tu peux départager ou quoi? Parce que sinon, on va en dire Romain, donc... J'ai le fessier entre deux sièges, putain. Bah ça tombe bien, t'as deux fesses, donc partage, quoi. Donc ouais, je suis partagé, mais je penche plus du côté à Joss. Ah, bien sûr. En fait, c'est un film qui est dramatique, moi, c'est pour ça que je dis ça. Oui, mais Disney, ils font quand même des fois des trucs dramatiques, ça a l'air d'être une belle histoire, avec ouais, certainement, bah, ça va être triste. C'est un film dramatique de Disney. Mais Disney, non, ils font quand même des trucs. Pour moi, ça fait vraiment le film un peu familial, avec une petite aventure, un petit côté qui va faire pas peur, parce que ça va pas faire peur, mais un petit côté un peu stressant pour les gosses, on va se dire, avec les chiens de traîneau, le mec, qu'est-ce qui va se passer? Et ça va être une belle histoire. Voilà, un petit côté Croblant. Moi, j'ai plus vu le dernier trappeur que Croblant. Tu trappes quoi? Arrête de regarder RMC Découverte, c'est toi le trappeur. Non, mais... Non, mais dans cette dimension où sur la fin de la bande-annonce, il y avait pas, ça devenait presque sombre en fait. C'est ça qui m'a étonné. Ouais, mais des fois ils peuvent faire des trucs un peu sombres, Disney. Quand je dis sombre, ouais, mais, ça non, mais pour sombre, moi non, tu vois. Tout public. Mais quand tu regardes certains même films d'animation, il y a des fois des passages qui sont un petit peu sombres, qui peuvent faire un petit peu peur aux enfants, mais ça n'empêche pas que les enfants ils vont adorer. Et après, moi, attention, hein, c'est peut-être pas clair, mais moi j'ai bien aimé cette bande-annonce. Hein. J'ai dit que ça faisait Disney, ah oui, mais pas clair, oui. J'ai trouvé la musique au début, il y a une musique au violoncelle ou quoi. Enfin, j'ai trouvé superbe. Après, le visuel, je trouve que ça a l'air très réussi. Il y a un casting qui m'intéresse vachement et ça a l'air d'être une belle histoire. Donc, honnêtement, pourquoi pas? Mais pour moi, tu vois quand même clairement le tampon Disney dessus. Quoi. Okay, par contre, j'ai l'impression que c'est sorti de nulle part, en fait. Ah oui, c'est clairement sorti de nulle part. Je ne sais même pas si Willem Dafoe est le jeu dans le film. Quoi. C'est fou, il ne le sait même pas encore. Ah, c'est fou, ils l'ont recréé en CGI, tu sais. On verra bien. Non, mais pourquoi pas. Je crois que ça sort aux alentours du 20 décembre sur Disney+. Oui, c'est ça. Ouais, okay, pour le coup, ça a l'air d'être un bon film de Noël. Voilà, beau film de Noël, c'est pour ça, tu vois, c'est familial, ça, c'est Disney, voilà. Mais ça a l'air mignon. Moi, je suis plus intrigué que vous, je suppose, mais écoutez, très bien. On va passer au prochain trailer, La Voix de la Justice, avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx et Brie Larson dans les rôles principaux. Qu'est-ce que vous avez pensé du trailer? Bah là aussi, on a un film qui sort de nulle part. Moi, j'avais jamais entendu parler du projet. Il arrive comme ça, ouais, moi comme non un cheveu sur la soupe. Et bah écoute, c'est, pour moi, c'est du déjà vu. Mais pourquoi pas, parce qu'il y a un beau casting derrière. Il y a Jamie Foxx, Michael B. Jordan, Brie Larson, que j'avais pas reconnu au premier regard. Donc pourquoi pas. Et toi, Joss? Eh ben moi, alors pareil que vous, j'avais jamais entendu parler de ce projet. Ça m'a vraiment surpris de voir cette bande-annonce. Après, je trouvais ça plutôt intéressant. Je trouvais que la bande-annonce a donné assez envie parce que elle est assez rythmée. Je trouve que la bande-annonce est très réussie. Par contre, oui, ça a l'air d'être quand même un petit peu du déjà vu. J'ai trouvé les dialogues assez clichés, par contre. J'en ai noté une où j'ai dit, mais on dirait une parodie, c'est quand Michael B. Jordan, il dit « ça, c'est pas la justice, ça, c'est pas bien ». Et là, j'ai dit, ah ouais, on en est là, quoi. Ça, c'est pas la justice. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Non, il dit ça au juge. Ça, c'est un bon avocat, ça. Et après, non, sinon, pourquoi pas? Ça a l'air assez intéressant. Il y a quand même un beau casting. Et bon, la bande-annonce, ça donne assez envie. Donc, pourquoi pas? Moi, il y a un truc qui m'a marqué dès les premières images, c'est de voir Michael B. Jordan défendre Jamie Foxx. Et ça m'a perturbé parce que Jamie Foxx, il est bien plus vieux que Michael B. Jordan. Et au début, moi, j'étais dérouté. J'étais là en mode. Ok, donc Michael B. Jordan qui défend Jamie Foxx. Alors, peut-être que je suis le seul à qui ça fait cette impression-là. Bah, c'est un jeune avocat, et si l'autre il a 60 ans quand il croit que s'il fait un crime, bah, c'est pas grave. Ouais, non, mais bien sûr, c'est normal. Mais au début, ça m'a dérouté. Surtout quand tu connais la carrière de Jamie Foxx et celle de Michael B. Jordan. Moi, ce qui est étonnant, c'est que je trouve que dans la bande-annonce, ils ne mettent pas en avant tant que ça Jamie Foxx. Son nom, il vient très très tard dans. Tu vois, quand et les animaux parce qu'il est moins rockable en ce moment que Michael B. Jordan, non? Oui, non, mais ça, je suis d'accord qu'ils mettent Michael B. Jordan en premier, ok, mais que Jamie Foxx, voilà, quand même, ça fait un trio pas mal, tu vois. Attends, mais Michael son B. Jordan, film à Jamie Foxx, c'était Sleepless, là, il était rincé. Hein. Non, mais c'est clair, ça c'est clair, mais ça reste quand même un nom, tu vois, tu le prends à ton casting, parce que dans ce cas-là, si t'as pas honte, mais si tu te dis que Jamie Foxx, il est rincé, tu le prends pas dans ton film. Si tu prends un autre acteur afro-américain, c'est pas ce qui manque. Des bons, c'est pas ce qui manque. T'en prends un autre. Si là, tu le prends, mais que tu le mets... Enfin, je sais pas, tu peux pas le mettre, pour moi... Bah, voilà, en troisième, après Brie Larson, si tu veux, mais tu dois le mettre, quoi. Bah, je crois qu'il est... Oui, c'est vrai, il a fait Baby Driver, ouais. Non, c'était avant Sleepless, mais oui, il a fait Baby Driver, ouais, c'est vrai. Mais non, mais Brie Larson ne ressort pas non plus. Hein. Je pense que c'est vraiment Michael Jordan, le héros, quoi, la question. Ouais, la tête d'affiche. Depuis Creed, Michael B. Jordan, il est méga bankable, hein, et c'est un très bon acteur en même temps. Non, oui, bien sûr. Il est, il est un peu... Ouais, il est tendance, et tant mieux pour lui, mais... Ouais. Bon, mais on verra bien ce que ça donne. On verra. Passons, t'en as beaucoup de trailers, décidément, au teaser de la saison 2 de The Boys. Je sais que vous avez tous les deux adoré. Moi, j'étais bien plus mitigé que vous, dans le sens où... Bon, je vais pas vous dire, sinon on va devoir se taper encore une fois. Toi, Joss, vu que t'as vraiment, vraiment aimé The Boys, est-ce que la saison 2, tu l'attends? Je suppose que oui. Qu'est-ce que t'as pensé du teaser? Moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et je trouvais que le teaser, c'était dans la continuité, dans l'esprit du premier. Donc, du coup, moi, ça me plaît. Ça me donne envie. Et si, c'est la continuité. Après, toi, est-ce que tu vas me dire, oui, là, il surjoue le côté un peu trash et tout ça dans le teaser? Est-ce que c'est ça? Non. Ce que je vais te dire surtout, c'est que la première saison, elle était loin d'être. Pour moi. Et en fait, c'était ça mon plus gros problème. C'est que c'était pas... Enfin, tout le monde disait, ouais, c'est l'inverse des films Marvel, mais pas du tout, en fait. Pour moi, c'était de la comédie, et c'était loin d'être trash, à part le poisson qui se fait doigter, mais c'est tout. Non, mais t'as quand même pas de trash. Côté trash. Si, t'as quand même deux, trois trucs, t'as la scène... Ouais, c'est très subversif, quand même. Non, ouais. vite fait. Non, c'est comme... Moi, je trouve que... voilà, ils vont jouer de ça. Alors après, oui, il faut qu'ils fassent un... de pas surjouer certaines choses... Parce que voilà, après, c'est ce que je te dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, une bande-annonce, le problème, c'est qu'ils vont te mettre plein de petits moments un petit peu trash, mais après, il faut voir le récit et comment tout ça s'englobe dans le récit. Tu vois, là, ils font un teaser, ils mettent plein de petites scènes trash parce qu'ils savent que ça va faire plaisir à ceux qui ont kiffé la saison 1, et on va se dire, ouais, ça va être encore mieux, ça va être encore plus fou. Ça reste à voir. Mais en tout cas, moi, sur le papier, je pense que c'est dans la continuité, il n'y a pas de raison. Et voilà, franchement, j'ai hâte. Non, la direction, c'est que c'est censé être bien plus trash que la saison 1. Et d'ailleurs, la saison 1, il s'était censuré, hein, même pour Amazon Prime au début. Je pensais à une scène où... bon, je vais pas le dire parce que c'est un peu trash du coup. Mais il s'était censuré en saison 1. Et là, de mémoire, la direction qu'ils veulent prendre, c'est OK, on a reçu votre message, vous avez kiffé la saison 2, bah là, il n'y a plus de limite. Oh oui, bah... Ils ont été censurés aussi sur le tournage de la saison 2. Une grosse scène de tuerie Rue du Canada qui a été censurée. Ouais, non, mais ça n'a rien à voir, ça. C'est parce que C'est par rapport à l'actualité. C'est par rapport à un attentat. Ouais. Donc, bah, mais ça a été censuré aussi, donc. Oui, mais non, mais d'accord, mais en même temps, ils étaient en train de tourner sur le lieu d'un attentat. Tu vois bien que partout, c'est quand même choquant pour les gens. Ouais, je sais bien. Mais donc, non, mais ça n'a rien à voir avec la direction artistique du truc, tu vois. C'est juste la ville qui s'est dit que c'est quand même moyen votre lieu de tournage, quoi. Mais même la scène en elle-même, j'ai pu en apprendre un peu plus. Elle avait l'air sacrément trash quand même. Ouais, mais après, non, mais après, tant mieux si elle avait l'air trash. Mais moi, j'espère que ça sera plus trash parce qu'honnêtement, c'est plus Disney plus que Togo. Hein. Non, c'est pas possible. Tu vois, The Boys, tu peux pas le montrer à ta famille. Quand je dis à ta famille, si t'as des gosses de 8-10 ans, tu peux pas leur montrer The Boys. Ouais, bon, je suis plus mitigé que vous, mais bon, ça se comprend. Bah, du coup, toi, je sais que t'attends aussi beaucoup la saison 2. Ah ouais, purée, quand j'ai vu la bande-annonce... C'est un teaser, excuse-moi. Ouais. Le teaser, il est sorti de nulle part, vraiment. J'étais super hypé. Et puis, ça a l'air vraiment beaucoup plus trash, beaucoup plus sanguinolent, plus violent. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Enfin, moi, c'est ce que je veux voir. Et il y a une évolution de personnage qui a l'air vraiment, vraiment très bien écrite. Et pour Anthony Starr, notamment, qui est un très bon acteur, est-ce que vous... Attends, t'as coupé... Ah, pardon. Je disais, il y a une très bonne... Tu parlais d'une évolution, je suppose que tu parlais d'Anthony Starr, l'acteur. Est-ce que vous avez vu la série Banshee? Tous les personnages en général. J'ai squatté Banshee, donc ouais. Ouais, et toi, je suppose que Romu, t'as pas vu Banshee? J'en ai entendu parler, j'ai vu quelques scènes, mais non. Parce que la série, je sais pas ce que t'en as pensé, Joss, mais la série Banshee, c'était une excellente série. C'est celle, c'est la série qui a révélé Anthony Starr. Bah ouais, puis c'était déjanté. Enfin, ça avait ce côté déjanté, mais à côté aussi réaliste. Et moi, j'ai fun, et moi, je me suis régalé devant Banshee, clairement. Ah ouais, moi aussi, très, très sous-côté comme série. Mais enfin, c'est pas le sujet. On va passer au trailer d'après. Messia, je sais que Romu, tu n'es pas du tout hypé. Toi, qu'est-ce que t'as pensé du trailer, Joss? Eh ben, moi, j'ai trouvé ça nul. Là, je suis désolé. Okay. Merci. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout emballé. J'ai trouvé ça, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu 200 fois. En plus, ce genre de truc, c'est pas du tout ce que je préfère. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça, la bande-annonce, je me suis fait chier devant. Donc c'est pour te dire. Bon, on va passer vite fait alors. Bon, oui, non, ça a pas l'air si intéressant que ça. C'était juste que moi, je trouvais que ça changeait un petit peu de ce qu'on avait un petit peu dans le paysage de Netflix. Parce que les trucs de teen, là, ça va deux minutes, quoi. Oui, ça c'est clair. Bon voilà, donc pour moi ça changeait un peu, mais après why not, hein, on verra bien ce que ça donne si quelqu'un regarde. Et puis on va passer au trailer, peut-être l'un des plus attendus de la semaine. Je précise juste avant ça que aujourd'hui on a le trailer de Wonder Woman 2. Je suis tellement hypé. Ouais. Franchement. Oh là là, ça va être fou. Allez, merci pour les oreilles, Romu. Et désolé. Et toi, Romu, trailer de Wonder Woman 84, tu l'attends? Bah ouais, je l'attends. Le premier film, j'avais beaucoup aimé. Et le teaser, il révèle quand même quelques trucs qui ont l'air intéressants. Il semble être resté sur la même ligne directrice. Ah bah, je pense que c'est la même équipe technique en vrai. Même équipe, ouais. Donc, Maintenant, moi, la question que je me pose vraiment, c'est pourquoi le film a été retardé de plus d'un an? Moi, c'est ça qui m'intrigue beaucoup. Non. C'est ça qui m'intrigue beaucoup. C'est qu'ils ont fini de tourner début 2019. Ils devaient sortir le film cet été, je crois. Ou peut-être. Ouais, ils ont fini de tourner fin 2018, peut-être. Ils devaient sortir le film ensemble. Et puis, au final, il sort quand? Il sort en 2020, mais quand? Vers juin. Mai-juin, non? Ouais, okay, certainement. Ouais, un peu moins d'un an, je pense qu'il a été retardé. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas donné une seule explication, puisque d'après eux, il n'y a pas eu de réflexion. D'après eux, la post-prod, elle s'est faite normalement. Moi, je ne comprends pas trop, et ça m'intrigue. Mais c'est bon, peut-être parce qu'ils veulent caler un agenda par rapport au film DC, je ne sais pas. Peut-être c'est par rapport à ça, c'est de caler... Bah ouais, mais il n'y a pas de film DC la prochaine fois. Ben, normalement, non, pas que je sache. Ah, il sort le 3 juin. Ok, super, ouais, d'accord. Ouais, comme Wonder Woman, le premier du long, au final, qui était sorti en juin, il me semble, le 16 ou un truc comme ça. Et écoutez, on n'a pas encore vu le trailer, donc on pourrait en parler longtemps, mais bon, on n'a rien vu. Ouais, mais ça a l'air quand même bien. Enfin, moi, perso, je suis hypé. Ouais, puis Gal Gadot en Wonder Woman, ça tue tellement. C'est clairement The God, hein. Enfin, bref. Franchement, les choix de casting pour les films d'ici, top, hein. Vraiment. Ouais, carrément. Sauf... Ezra Miller, elle est quand même pas ouf en Flash. Hein. Bah, j'attends de le voir dans un film solo. Hein. Ah bah, à mon avis, tu peux attendre longtemps. Ouais, Ben non, il y a eu un réel, là, il n'y a pas longtemps. Ouais, mais bon, à mon avis, Ouais, c'est sûr qu'ils ont, quelques soucis, de toute façon, et ça fait longtemps que le film en attend. Ben, je crois qu'ils veulent le tourner fin 2021, parce qu'il est occupé avec Les Animaux Fantastiques 3, Ezra Miller. Ah. Donc c'est pour ça qu'au final, on attend autant, c'est que le mec, il a un agenda, quoi. Mais bon, tant mieux pour lui. Et par contre, passons au trailer de James Bond, Mourir peut attendre. Quatrième film de Daniel Craig, il me semble. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Moi, je ne connais pas la saga de James Bond, mais j'avoue que la bande-annonce, pardon, m'a bien hypé. Ben moi, ça me hype parce que... Alors moi, il faut savoir, pour expliquer un petit peu, raconter ma vie, je n'aime pas James Bond. C'est-à-dire que j'aime pas. Enfin, j'en essaie de regarder quelques-uns. J'en retiens que quelques-uns. J'ai bien aimé GoldenEye. Et après, ceux de Daniel Craig, j'adore. Bizarrement. Alors moi, du coup, Daniel Craig, c'est mon James Bond préféré. Alors, je sais que les fans de James Bond, ils vont s'arracher les cheveux quand ils vont entendre ça, mais moi, voilà, mon James Bond préféré, c'est Daniel Craig. Et ben moi, du coup, ça me branche. Je trouve que, même si c'est assez classique, hein, la bande-annonce, elle est assez classique, il n'y a rien d'innovant, ça a l'air d'être toujours un petit peu pareil, c'est un peu ce que je reproche à James Bond en manière générale, c'est que tu en as vu un, tu en as vu 15. Mais bon voilà, ça a l'air quand même bien foutu. La photo, je trouve qu'il y a vraiment des beaux plans, une belle photo dans le film, ça me branche. Et Daniel Craig, j'adore. Donc voilà, moi ça me hype et j'ai hâte de voir la suite. Moi j'ai pas grand chose à en dire. Enfin, j'ai vu deux fois la bande-annonce, quand même. Mais James Bond, c'est pas un univers qui me parle, malheureusement. J'ai dû en voir deux. Ouais, deux avec Daniel Craig, un avec Pierce Brosnan dans les années 90, et c'est tout. Voilà, donc j'irai le voir comme beaucoup de gens parce que il me semble que c'est le dernier film James Bond avec Daniel Craig. Daniel Craig. Ouais. Tout à fait. Mais sinon c'est pas un univers qui me parle. Les films d'espionnage comme ça, non, c'est pas trop. Ok, d'accord. Et vous pensez quoi de Rami Malek comme méchant? Moi je trouve que ça fait de la peine. Ah ouais? Ah moi quand tu vois le plan là où tu vois ça moi franchement ça me plaît pas du tout. D'ailleurs, le plan là où il est révélé, Rami Malek, ça m'a fait vachement penser à Blade Runner 2049, et Blade Runner d'ailleurs. L'espèce d'endroit où ils sont avec des trucs très cubiques. Ouais, c'est possible. Un plafond qui part dans tous les sens, bah, t'as dû voir le trailer qu'une fois, t'as pas fait gaffe. Mais ouais, non, par contre, c'est Ana de Armas, donc ce sera probablement la principale raison d'aller le voir. Hein. Il y a Ben Whishaw aussi. Ouais, voilà, mais non, du coup, je disais, bah, vraiment, il y a Ana de Armas, du coup, ce sera peut-être une bonne raison d'aller le voir. Hein. Après, il y a un bon casting, hein, de manière générale. Ouais. Quand même, le casting, il est intéressant. Ah oui, clairement. Bon, c'est... Bah, après, j'ai envie de connaître. Il est assez doux. Ouais, Christopher Waltz. Ouais, Christopher Waltz. Ouais, il est assez doux. Bah, Daniel Craig, Ben Whishaw, Ana de Armas, Rami Malek. Oui, il y a un bon casting, c'est sûr. Et j'ai l'impression qu'ils ont montré un peu tout le film, en fait. Par contre, oui, voilà, je trouve que la bande annonce, c'est beaucoup, quoi, pour le coup. Ouais, voilà. Bah, après, moi, je connais pas l'univers de James Bond, donc s'il faut. Bah, il y a bien plus de plot twist dans un James Bond que ce qu'il montre, mais j'avoue et que j'ai c'est Christophe, pas Christopher. Hein. Ouais, c'est Christophe Watts. Ouais. Ouais, mais t'inquiète, on peut rajouter ER, il nous dira rien, c'est pas grave. J'espère. Ouais. Bon, bah écoutez, je crois qu'on en a fini avec les trailers de la semaine. Ouais, enfin. Il y en avait pas mal. On va passer semaine quand même. Ouais, on va passer aux sorties de la semaine et on va commencer par le petit écran. Messieurs, qu'est-ce qui sort sur le petit écran? Bah, tu vas nous le dire. c'est ton job. Ouais, bah ouais, c'est juste le nouveau film de Michael Bay, du coup. Six Underground, film avec Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Adria Arjona et Dave Franco. Ah, par contre, Romu, tu nous exploses les oreilles, je te jure. Faut reculer un peu ton micro, s'il te plaît. Merci. Bon, pour reparler de ça, moi ça me hype pas du tout. Mais attends, il y a Ryan Reynolds qui fait un corps du Deadpool, t'es pas hypé? Non, parce que voilà, au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre. Et puis en plus, moi, je suis pas très fan de l'univers Michael Bay, c'est pas trop mon truc. Du coup, ça me branche. En plus, voilà, c'est toujours pareil. Moi, ça, c'est un film que j'aurais voulu voir au cinéma, je vais le regarder chez moi. Michael Bay, ça, ça commence. En plus, voilà, alors ouais, Michael Bay, je suis pas fan de Michael Bay, mais au moins, Michael Bay, pour moi, c'est à voir au cinéma, quoi. Parce que ça va exploser de tous les sens, de toute façon, on va être fort. Michael Bay, ça va au cinéma, et ça me fait chier de le regarder sur ma télé, même si j'ai une belle télé, ça me fait chier. Quoi? Pour le côté grand spectacle, c'est à voir au cinéma. Ouais. Carrément. Michael Bay, pour moi, c'est à voir au cinéma. Parce que Michael Bay, tu lui enlèves l'effet cinéma, du coup, il reste pas grand-chose, hein, parce que ses films, ils sont quand même assez vides. Donc, alors si on enlève le côté grand spectacle, il te reste pas grand-chose. Voilà, je pense que c'est un débat quand même. Parce qu'il y a des bons points, il y a aussi des mauvais points de le voir au cinéma. Bah là, pour le coup, ouais, je vois pas ce qu'il y a de mauvais pour aller le voir. Bah, quand tu l'as chez toi, tu peux le voir quand tu veux, tu peux le voir plusieurs fois, beaucoup de gens peuvent le voir. Enfin, il y a plein de... C'est gratuit, enfin, tu vois ce que oui, je veux dire. Oui, mais moi, ce qui m'emmerde, regarde, si ça sort sur Netflix, moi, ce qui va m'emmerder, je vais te dire, là, il sort sur Netflix, c'est très bien. Imagine le film, je l'adore et je le kiffe. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir l'acheter en Blu-ray, ce film. Parce que, alors on va me dire, oui, mais tu l'as sur Netflix, c'est pareil. Ben non, c'est pas pareil. La qualité, c'est pas la même. T'as pas le matériel dans la main. Donc moi, c'est ça qui me fait chier. C'est que, pareil, pour le Scorsese, moi, c'est des films, vu que j'ai quasiment toute la filmo de Scorsese en Blu-ray, j'aimerais avoir The Irishman en Blu-ray, je peux pas l'avoir. Et là, s'il faut Michael Bay, ben, s'il faut, je vais kiffer le film, on sait pas. Ben, je pourrais pas me l'acheter en Blu-ray non plus. Donc moi, ça commence à m'emmerder. Il y a des films Netflix qui sont sortis. Non. Non. Blu-ray, comme faut. Annihilation. Non. Ouais, mais c'est pas un film Netflix. C'est pas un film Netflix. C'est un film Paramount qui a été racheté par Netflix parce que Paramount ne voulait pas le sortir dans le globe. Voilà, du coup Netflix a racheté pour que le film soit vu, mais voilà. Et la série Orange is the New Black. C'est pas une de base, c'est une copro de Orange is the New Black. Non. Et Narcos. Ah, Narcos, oui, mais c'est différent les séries. Mais il me semble que Narcos, Narcos saison 1, c'est pas une prod Netflix. C'est une copro de Netflix, pardon. Ouais, mais après, ils ont sorti le reste des saisons, donc je me dis pourquoi pas, tu vois, peut-être qu'un jour ça viendra au fur et à mesure. Je sais pas. Ça éditera des DVD. C'est produit par Gaumont, si tu veux savoir, donc voilà qui explique tout. Ok. Mais non, mais après voilà, je sais qu'aux États-Unis, typiquement Stranger Things, ça sort en Blu-ray. Oui, par exemple. Maintenant, moi je vais vous dire, ils ont plusieurs intérêts à ne pas sortir de Blu-ray, c'est qu'eux, leur but maintenant, c'est qu'ils ont tellement de clients qu'ils veulent en attirer des nouveaux et faire rester les gens. Quelqu'un, si toute leur sortie Netflix est sortie en Blu-ray, bah les gens, ils pourraient s'acheter les Blu-ray au lieu de se prendre Netflix. Et du coup, eux, clairement, ils perdent de l'argent. Non, non, mais bien sûr, mais moi, du coup, ça m'emmerde. Oui, non, mais certes. Bon, parce que moi, ça m'empêche pas, tu vois, je suis abonné à Netflix, ça m'empêche pas d'acheter des Blu-ray, d'être abonné chez eux, ça m'empêche pas. Moi, par exemple, Marriage Story, on en reparlera plus tard. Mais j'aurais voulu le prendre en Blu-ray, tu vois. Bon, après, il y a vraiment des moyens, si tu le veux. Ouais, oui, il y a toujours des moyens, mais bon. Mais, dommage. Voilà, alternatif et très légaux. oui, alors c'est un débat qu'on aura peut-être 4, mais en effet... Voilà, en tout cas, pour parler du film de la sortie de la semaine, pourquoi pas, ça me branche pas des masses, mais ça me fait chier de le regarder à la télé. Ok, bon, double point noir alors. Et toi, tu attends ? Bah moi, je crois que tu attends. Parce que c'est Michael Bay. Bon, rejoins Joss sur le fait que j'aurais aimé le voir au cinéma. Mais toi, c'est pas comme si tu pouvais pas le voir au cinéma, Romu. Oui, d'accord, mais bon, après, je parle pour l'ensemble des gens, tu vois. Je me mets à leur place aussi. C'est un peu problématique, tu vois. Parce que Michael Bay, c'est des films à grand spectacle en général. Enfin, moi, les Transformers, c'est pas des films de qualité. Mais je sais que je vais les voir au cinéma, quoi, pour le côté grand spectacle. Il faut dire que t'aimes bien Transformers aussi. Ouais, ouais. Ça, par contre, non, mais c'est complexe comme sujet, parce que il n'aurait pas eu peut-être la liberté de faire ce film-là si c'était pas sur Netflix aussi, donc bon. Oh, quand même. Ouais, c'est vrai que Un film original comme ça, je suis pas sûr que quelqu'un... Non, après, ça, c'est sûr qu'il aura plus de liberté sur Netflix qu'il passe par des maisons de prod plus traditionnelles du cinéma, c'est sûr, mais moi, je trouve que toi, c'est la dénaturalisation du cinéma qui me dérange un petit peu, et ça, je le dis quasiment chaque semaine, ça me pose problème. Ouais, bon, c'est un débat qu'on aura peut-être un jour, mais en tout cas, là, c'est peut-être pas le moment. Tu vois, après, toi, en plus, le truc, c'est que ça va, en plus, c'est pas pour vous dire, mais j'ai quand même une grande télé, donc ça va, mais quand je pense qu'il y en a certains qui vont le regarder sur leur portable ou sur leur tablette... Ouais, non, mais après, c'est... ça, c'est le problème des gens, j'ai envie de te dire à un c'est moment... Incroyable, quoi. Regarder Six Underground sur un téléphone, mais faut être un singe, quoi. C'est clair. Bon, bref, ma foi, passons cette fois au grand écran... Ça, je pense que c'est aussi un film qu'il faut voir sur le grand écran. On va pouvoir en parler parce qu'on l'a vu au Festival de Cannes avec Romu. Une vie cachée, le nouveau film de Terrence Malick. Bah, dis donc, il a mis du temps à sortir dans l'Hexagone. Très longtemps même, parce qu'on l'a vu en mai. Il sort en décembre. Donc voilà. Est-ce que tu en as entendu parler, Joss, ou pas ? On va peut-être... Oui, quand même. On en avait parlé déjà au Festival de Cannes. On en avait déjà discuté. Et après, j'avais suivi que... Autant ces films peuvent me toucher comme ils peuvent me laisser ultra distant, parce que c'est quand même un cinéma très spécial, Terrence Malick. Mais je trouve que celui-là, en plus, il a des échos assez positifs, parce qu'en principe, ça s'est mitigé, Terrence Malick, parce que c'est quand même pas ultra abordable. Et apparemment, celui-là, il fait partie de ces films récents les plus abordables. Et du coup, j'avais hâte. Moi, le seul hic, c'est que je suis pas sûr qu'il soit diffusé chez moi, et à mon avis, je pense qu'il va passer à l'as, malheureusement. Ouais, c'est bien possible. Donc, tu le verras chez toi un petit peu voilà. Comme si c'était un film Netflix au final. Sauf que tu vas devoir attendre. Donc, tu vois, au final, c'est un bon côté. Ouais. Et alors, je vais en parler de Spy. Ben, je vais dire deux mots. Je me suis endormi devant. Voilà, Romu, à toi. c'est faux. En vrai, je me suis endormi devant, c'est vrai. Romu, il m'a réveillé, mais bon, malheureusement, le sommeil a fait qu'il a repris le dessus. Et je suis sorti, j'étais très mitigé. Bon, en même temps, j'avais vu les trois quarts du film, mais surtout pour moi, c'est un film qui est très très lent et très très long. Il doit faire 2h40, peut-être 2h45. Ouais, c'est ça, ouais. Et la lenteur en général me pose pas de problème quand tu vois Blade Runner 2049 que j'adore. C'est juste que là, pour moi, le film ne racontait pas grand chose et surtout quelque chose de très classique en fait, à la manière d'un tu ne tueras point. Globalement, c'est tu ne tueras point en fait. Le film, l'histoire, hein, c'est ça. Sauf que ça parle pas du contexte de guerre. Enfin, ça se passe pendant la guerre, mais le contexte, on va dire, c'est pas un contexte de guerre. Et. Bah, sur le coup, je suis sorti mitigé. Pendant plusieurs jours, c'était mitigé. Là, j'ai envie de le revoir. Maintenant, je ne sais pas si j'aimerais ou pas. C'est très compliqué à aborder. Romu, toi, je sais que tu as pas mal aimé sur le coup. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Moi, je ne connaissais pas trop le cinéma de Terrence Malick. Et j'avoue que je suis resté vraiment bouche bée devant ce film-là. C'est très contemplatif. C'est vraiment... Enfin, y a ce petit côté métaphorique et très extatique. Que j'ai beaucoup aimé, et moi je pense que je le reverrai avec plaisir parce que j'ai pas vu les 2h52 passer. Ah, 2h52, d'accord. Et ça t'a pas dérangé qu'il y a un mec qui ronfle à côté? Non, j'ai pas fait attention à toi en fait. Ah, ok, bah ça va, tant mieux alors. Je pense que c'est un film à revoir pour le coup pour moi, et puis à voir de manière générale pour les gens, pour savoir un petit peu et pour tâter le cinéma de Terrence Malick. Il est abordable, mais pour moi. Enfin, il est pas vraiment abordable pour moi, c'est réservé aux cinéphiles quand même. Bah, il est moins chiant que The Irishman, hein, pour le coup, moi, je trouve. Ah, j'ai pas vu encore. Ah oui, c'est vrai. The Irishman dure 40 minutes de plus aussi, il faut le dire. Mais non, pour moi, en fait, le problème, c'est le scénario. En fait. Alors déjà, il avance pas d'un pet, mais surtout, le problème, c'est que tu vois la fin venir dès le début, parce que bah, c'est une histoire vraie. Hein. Au final, c'est adapté de quelqu'un qui a réellement existé. Et c'est ce qu'on appelle un objecteur de conscience, comme l'était le personnage de Tu ne tueras point. Andrew Garfield dans Tu ne tueras point. Dans Andrew Garfield dans Tu ne tueras point. Et pour moi, c'est trop classique. Voilà. Bon, maintenant, c'est une histoire vraie, donc est-ce que je peux reprocher le classicisme? Je sais pas. Par contre, je peux rajouter quelque chose. Ouais. La BO, elle est magnifique. Vraiment. La BO est super. Ouais, c'est vrai. Ça. C'est très mélancolique hein, comme film. Donc, ouais. C'est, voilà. Si t'as envie de. C'est comme si t'allais faire une petite randonnée, sauf que. Voilà. C'est presque l'une des seules sorties intéressantes de la semaine. Il y a Black Christmas, une production Blumhouse avec c'est un movie. Le casting est inintéressant au possible. La réalisatrice est inconnue au bataillon, franchement. Film de Noël, quoi. Mais il n'y a pas eu énormément de com dessus. Peut-être que je suis passé à côté. Mais... Ouais, pour un film Blumhouse, j'avoue, peut-être qu'ils ont raté leur truc. Alors, c'est un remake, hein, c'est l'une des premières que Blumhouse fait un remake. Donc, peut-être qu'ils ne sont pas producteurs majoritaires non plus, mais je crois que oui. Donc peut-être que leur com elle est différente sur un remake, je sais pas du tout en fait, c'est complexe parce que j'avoue qu'on n'a pas trop d'écho, on a rien du tout. Donc j'avoue, je sais pas trop comment l'aborder le film. Bah on s'en fout quoi. Bah on l'aborde pas quoi. Voilà, on l'aborde pas, ouais. On s'en fout. Bon bah du coup on va passer à la chronique de la semaine, celle de Romu. De qui tu voulais parler, Romu? Moi je voulais vous parler de la costumière de Mad Max Fury Road, Ginny Bevan. Alors, bon, Jenny Bevan, c'est une costumière britannique qui est née à Londres en 1950. Elle a débuté sa carrière en 78, donc elle a quand même pas mal d'années d'expérience. Elle a bossé pour des costumes de téléfilms comme Oula Baloo, je ne sais pas si je prononce bien, une comédie dramatique. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui l'a vu, à mon avis. Tu peux me le... juste pour faire le film, voilà. C'est réalisé par James Ivory, c'est un grand réalisateur. Après, elle a enchaîné sur plusieurs conceptions de costumes pour des films mineurs. Et c'est vraiment 6 ans plus tard que son travail il a commencé à être reconnu. Voilà, parce qu'elle a reçu un Oscar pour meilleur costume en 1984 pour The Bostonian, un drame avec Christopher Reeves et toujours réalisé par James Ivory. Deux Oscars, du coup, dans sa carrière? Ouais, c'est ça. Mais je vais y venir justement sur le deuxième Oscar. Ok. Entre 80 et 2000, elle sera derrière les costumes de plusieurs fictions historiques, comme Prince Noir, Croc-Blanc, Gosford Park, c'est un film assez connu, réalisé par Robert Altman, ou encore le Dahlia Noir, en 2006. De Woody Allen? Je sais pas, j'ai pas noté le réalisateur. J'ai fait mon travail à moitié. Ouais. Donc voilà, en 2016, elle remporte l'Oscar des meilleurs costumes pour le film Mad Max Fury Road, son second en 10 nominations quand même. Hop. Je voulais vous en parler parce que là, je sais pas si vous êtes au courant de la polémique autour de la remise de son deuxième Oscar. Ah non. Polémique après, est-ce que c'est une polémique? Ça a fait polémique quand même, ça a fait réagir pas mal de médias. Ouais, pour rester à la fin. Elle est venue récupérer. Bah, elle est venue toute nue. Non, c'est faux. Ne spoil pas. Non, je rigole. Elle est venue récupérer son Oscar, non pas en robe, mais avec un perfecto de motard et les cheveux détachés. Ah. Donc, y a franchement, des vidéos. Moi, tu me l'as montré justement. Franchement, il n'y a rien de choquant. Même son perfecto de motard, là, il n'est pas choquant. C'est un truc normal. Et d'autant que la dame, elle est un peu boudinée, hein, sans vouloir l'insulter. Je peux comprendre qu'elle ait pas envie de se mettre en robe, quoi. Surtout que pour faire les costumes de Mad Max Fury Road, à mon avis, il faut être sacrément perché. Non, mais, sur ce point-là, on est d'accord. Mais quand toi, tu as vu la vidéo, tu as vu l'indignation de beaucoup de membres de la profession. Il y a trois pélos qui l'ont regardé de haut en bas pour voir comment il était accoutré. Mais il y a quand même Iñárritu qui s'est moqué d'elle, quand même. Enfin, qui a rigolé, quand même. Oui, bah, c'est bon, c'est un petit rire sarcastique. Mais oui, mais après, est-ce que c'est un rire moqueur ou c'est un rire pour dire « Oh putain, elle a du culot, c'est marrant ce qu'elle a fait », tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on est sûr que c'est un rire moqueur? Quand tu le vois, c'est plutôt « Elle a du culot », je pense, en mode « Haha, Sartex, c'est... » Bah, putain, elle a pas été applaudie par la moitié des spectateurs. Ouais, mais ça, après, c'est pas à cause de son accoutrement, tu vois, enfin, je sais pas. Si, c'est à cause de ça. Bah, tu pourras regarder, il y a plusieurs articles qui en parlent. Ça tournait pas mal. Elle a même réagi à ce qu'il y a à Hollywood. Hein. Non, mais après, oui, je peux. Enfin, pas que je comprends, mais je comprends que. Pourquoi. Enfin, pas. J'arrive pas à m'exprimer. C'est pas je comprends pourquoi les gens rigolaient et pourquoi ça fait polémique. C'est je comprends. Voilà, là-bas, ça doit être très carré. Ça est un peu un monde de pète-cul. Et du coup, ils se sont sentis offensés. Et un peu des cons. Et, mais franchement, elle est bien normalement, je te jure. Hein. Je veux dire, ouais, après, pour une cérémonie comme ça. On a ouais, mais y a, Joaquin Phoenix, il était pas venu en claquette un jour? En Converse. Ah, en Converse, ouais. Et il avait reçu un prix, ouais, voilà. Ah ouais, okay. Ouais, c'est des claquettes, ce que je disais. Et il avait reçu un prix, en Converse, du coup, et ça ah. Choquait personne. De toute façon, il va venir pieds nus, à mon avis. Hein. Il va recevoir l'Oscar pieds nus. Il y a moyen. Ouais, bon. Bon, donc du coup, en fait, Aconite, c'est pour nous parler d'elle, pour la défendre par rapport aux Oscars, ou c'est parce que c'est une fille que t'aimes bien, en fait? C'est une fille que j'aime bien, parce qu'elle a bossé sur pas mal de films, et ouais. Si je peux continuer ma chronique... Oui, bien sûr. Donc elle a... Attends, hop, je reviens. Elle a déclaré au micro du Hollywood Reporter, « Ça m'est égal si certaines personnes n'ont pas souhaité m'applaudir. Les gens ne sont pas obligés de le faire, comme ils ne sont pas obligés d'aimer votre travail. La seule chose que je voulais... c'est que ma tenue est un effet positif sur ce que les femmes ressentent vis-à-vis d'elles-mêmes. Vous n'avez pas à ressembler à un top modèle pour réussir. Il est vraiment bon d'éprouver un sentiment positif sur soi-même. Cela signifie que vous pouvez tout faire. » Donc, oui. Et après ce geste-là, il a été qualifié d'icône féministe. Ouais, c'est clair. Ouais. Jamie Bevan, c'est surtout une costumière expérimentée qui a bossé sur une soixantaine de films en plus de 40 ans de carrière. Et son œuvre lui a valu 19 prix et 51 nominations. Elle continue à travailler. Elle a été la costumière des films Life, Cure for Life, Casse-Noisette, et sera à l'œuvre dans les années à venir sur Dolittle et Cruella pour Disney+. Ok, Cruella et Maston, il me semble. Ouais. Ouais. Ok, intéressant. Bah, c'est toujours marrant, toujours intéressant les travails de l'ombre comme ça. C'est ça. Parce que c'est vrai que pour le coup, Mad Max et Mad Max Fury Road, il y a de quoi continuer, quoi. Casse-Noisette aussi, d'ailleurs. Carrément. Donc, même Cruella, sur Cruella, ouais. tu peux t'amuser sur ce costume. Il y a de quoi faire. Ouais, probablement. Ouais. Enfin, par contre, sur Life, je sais pas vraiment ce qu'elle a fait. Hein. Bah, Life, elle a dû faire les costumes de. Les costumes d'astronautes, quoi. Bah ouais. Bah, je les ai pas trop incroyables, mais bon. Ah bah, ouais, mais tu fais une tenue sur elle, t'es pas obligé de la tailler. D'où quoi. Tu l'as quitté que Fury Road quoi. 160 films avec Fury Road, tu l'as dit. Allez, bien sérieux. Non, mais bref. Non, mais life, quand même, les astronautes, il fallait bien qu'ils soient accoutrés quoi. Enfin, ils sont pas venus en pyjama tous. J'espère bien. J'espère aussi. Mais bon, merci beaucoup pour ta chronique. Au moins, on saura qui est Ginny Beavens si on l'entend à l'avenir. Ouais. Voilà. Et puis, on saura aussi qu'elle se balade dans tout accoutrement possible. Donc, voilà. La question de la semaine, c'est. On va passer justement à la question de la semaine. Elle est courte, hein, c'est-à-dire que c'est un mot et un point d'interrogation. À Disney, point d'interrogation. Ah, c'est ça la question ? Qu'est-ce que ça vous évoque, messieurs ? Cracher votre venin. Glouton. Le double menton, de qui ça? Non, glouton. Je crois que j'ai pas la ref, du coup je vais peut-être demander à Joss de... Non mais c'est pas une ref. Ah, c'est quoi le truc? C'est que ça avale tout, quoi. Voilà. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là, ok, d'accord, on t'entend. Tu sortais un... Ok, oui, d'accord, oui, bah oui, glouton, ouais. Oui, bah ça, ouais, c'est le géant qui mange tout ce qui est à table et qui laisse pas grand chose aux autres et qui impose un peu sa, pas sa dictature, mais ouais, un peu bon, qui impose sa, voilà, sa vision et que il faut, voilà, que ce soit du tout public, il faut qu'il y ait toujours une morale, il faut toujours que toutes les communautés soient représentées, il faut toujours qu'il y ait soit du féminisme ou soit un message politique fort. Enfin voilà, c'est Disney, c'est un peu le monde des bisounours, alors. On a un peu toujours l'espoir de se dire qu'allez, un jour, ils vont vouloir un petit peu casser ça, ou du moins faire une section, tu vois, parce qu'ils peuvent garder leur nom Disney, mais faire une section un peu plus trash ou un peu plus adulte, du moins, sans que ça soit trash, mais au moins un sur peu plus adulte. Sur Disney+, c'est prévu, ça? Alors, bah, tant mieux. Pour le moment, on le voit pas, mais tant mieux, c'est pas avec leur série actuelle qu'on le voit, donc j'espère qu'à l'avenir, ça changera. Ils ont pas de série, du coup? Enfin, si, ils ont d'ailleurs, on va... Ah oui, non, c'est vrai qu'on a une critique, excusez-moi. Ouais. Donc, bon, voilà, du coup... Voilà, c'est vraiment le géant qui mange tout ce qui est à table. Et dans le fond, ça peut être pourquoi pas, mais je trouve que malheureusement, ce qu'il en sort en plus, c'est pas forcément toujours de la bonne qualité. Et moi, malheureusement, c'est un cinéma qui m'ennuie. Voilà, dommage. Pour moi, c'est le géant qui met en péril le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ouais, aussi, ouais. Bah, quand tu vois qu'ils interdisent à des films qui ne leur appartiennent pas passer au cinéma, ça commence à devenir compliqué, quoi. D'ailleurs, ils n'ont pas interdit New Mutant. Mais non, si. New Mutant, il est prévu. La sortie est prévue, New Mutant. Ouais, mais ça fait plusieurs fois qu'il retarde. Apparemment, il va peut-être que sortir que sur VOD ouais, donc, ou je sais pas quoi. Donc, en vrai, moi, je m'en fous. Hein. Ouais. Pareil, je m'interroge sur le prochain Kingsman qui a été repoussé de 7 mois. Ouais, c'est vrai. On ne sait pas trop pourquoi, hein, en plus. Il est sous bannière Disney, donc je me dis, est-ce qu'ils vont pas retirer certaines scènes? Maintenant, il est sous bannière Disney, ouais. C'est compliqué, hein. ça fait un peu peur tout ça. Très peur, ouais. Bah, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut arrêter d'aller en salle voir leurs conneries, quoi, au bout d'un moment. De toute façon, si tu veux les contrer, il n'y a que comme ça. Mais malheureusement, ça ne suivra pas, quoi. Les gens vont continuer à y aller, et peut-être moi aussi le premier, mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être stopper ça, quoi. De toute façon, si tu veux les niquer, il faut arrêter d'aller voir leurs films en salle. Il n'y a que comme ça. Sinon, tant que tu continues à y aller, ouais, ils vont continuer. Non, vont maintenant, il y a Disney Plus qui marche beaucoup trop. Et enfin, qui marche beaucoup trop, mais en téléchargement. Non, Disney+, tu te rends pas compte. Netflix non, à travers le aux monde. Aux États-Unis. Mais je veux dire, vu que c'est pas encore sorti en Europe, tout le monde a vu leurs épisodes du Mandalorian, personne n'est abonné. Ah non, bien. Bah, moi, je suis abonné. À Disney+? Ouais, il y a beaucoup de gens abonnés, hein, je pense. Oui, parce qu'en traficotant ton serveur, ouais, ton truc, mais. Ouais, d'accord, voilà. Mais bon, je veux dire, moi, je m'abonnerai pas, quoi. Ça, c'est clair et net. Je donne pas ça. Disney+, leur prédiction, c'était 10 à 15 millions d'abonnements sur un an, la première année de lancement. Ils ont fait 10 millions en 24 heures. C'est ok, mais parce qu'ils ont créé l'événement, puis ils ont sorti un truc Star Wars. Et tu vois, c'était ouais, sûr. C'est la série la plus longue année de 2019. Et la plus oui, c'était... de 2019 aussi. Mais oui, c'est peut-être la série, franchement, la plus claquée au sol de 2019. Parce que, on en parlera plus tard, du coup, mais c'est... J'ai jamais vu ça. Romu, t'as dans l'épisode ou pas? Ouais, j'ai eu le temps de voir l'épisode, malheureusement. Ok, super. Là, j'ai jamais... Franchement, là, cet épisode 4, là, je te dis honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Mais jamais. Hein. Bon, on en parlera après. C'est pas quand le sujet, on déversera notre haine un petit peu après. Préparez vos crachats. Comme ça, sur du chemin. Bam, on balance. Ouais. Bref. Oh, mais ouais, non, c'est flippant, Disney. Je pense que dans un an, quelques mois, et quand les Oscars sont passés aussi, on pourra présager de ce qui se passera pour Disney, pour le monde du cinéma. Mais je crois qu'ils n'ont pas encore un monopole. Hein. Mais je crois qu'ils doivent détenir 45% du patrimoine du cinéma. C'est ça? Comme ça? Bah putain, ouais, c'est immense. Quand tu vois tout ce qu'ils possèdent, ils possèdent la Fox, ils possèdent Marvel, ils possèdent Star Wars, ils possèdent tous les Disney, ils possèdent une partie de Pixar, je crois. Enfin bref, ils ont vraiment... Bah du coup, ils coproduisent les Ghibli, mais oh là là, mais c'est monstrueux ce qu'ils ont. Et puis à un moment, faut arrêter en fait. Hein. Faut vraiment arrêter. Je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne, les mecs, pour faire tout public. Prévoit pas mal de reboot ou de remake, tu vois. Eh oui, c'est ça. Non, mais après, ça, c'est le cinéma qui est comme ça. Ça, on peut pas se plaindre. Bon. Ouais, mais Disney, c'est les rois. À ce niveau-là, c'est les rois, quand même. Bah, ils ont envie de refaire tout leur film culte en live action. Bon, ok, tu le vois une fois en live action, ok. Ça peut permettre à une nouvelle génération de les redécouvrir. Moi, ça me choque pas particulièrement. Maintenant, moi, ce qui me choque, c'est quand ils veulent interdire au film Fox de passer, quand ils empêchent des sorties, qu'ils les repoussent de quelques mois. Parce qu'ils ont envie de retirer des scènes ou quoi, ça devient choquant. Ça devient choquant. Surtout que de base, Kingsman, il est entré en production à 100% chez la Fox, même en tournage, je crois, à 100% chez Fox. Oui, à 100% chez la Fox, oui. Et là, Disney, ils arrivent, ils disent, il y a ça qui va pas. Bon, c'est une supputation parce qu'on sait pas au final pourquoi il est retardé. Mais enfin, ce serait pas étonnant que ce soit à cause de Disney. C'est quand même bizarre retarder comme ça. C'est pas... Il y a un truc qui cloche. Franchement, ça fait peur. Mais même eux, je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne, les mecs. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont juste envie qu'on vive dans un monde de bisounours. Quoi, mais c'est pas ça la vie, les gars. Ouais, non. Ouais, mais c'est un peu la bien-pensance. C'est voilà. Penser comme ça, c'est la dictature de la pensée, quoi. Voilà. On retourne au cinéma des années 40, vraiment, avec le code Hays. Tu vois, toute cette bien-pensance, justement, ce côté puritaniste. Ouais, mais. Ouais, non, c'est. Je suis pas sûr que c'était comme ça non plus. Je suis pas sûr que c'était à ce point-là à l'époque. Hein, parce que là, ça devient compliqué. À l'époque, entre les années 30 et les années 60, c'était vraiment. Il serrait le boulon. Quoi. Ouais, bah... bon, après, il n'y avait pas autant de cinéma non plus. Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de tout ça. Donc, ouais, c'est non, pas pareil c'est du tout, du tout, du tout. Mais là, pour le coup. Mais moi, je pense que les Oscars, ça va être compliqué. Hein. Bah là, quand tu commences à voir un truc, tu vois, c'est un peu compliqué, c'est que Joker, par exemple, le film Joker, on disait que ça fait un petit peu un pied de nez à Disney, surtout qu'il a cartonné. Enfin, ça vraiment, pour moi, Joker, c'est un peu l'anti-Disney, tu vois. Et qu'est-ce qui est en train de se passer là bientôt? Donc, il y a les Oscars. Et je sais pas si vous suivez un peu sur Twitter, un peu des comptes de médias américains, mais apparemment, le Joker risque d'être boycotté. Vous avez vu ça un petit peu ou pas? Non. Et ben maintenant ils disent que Joaquin Phoenix n'est plus du tout le favori, que Joker finalement n'aura pas autant de nominations que ça, que finalement, donc en fait en gros hein, ce qui se passe c'est que Disney doit mettre un peu la pression et que du coup vu que Joker c'est son antithèse, voilà, c'est vraiment son rival, c'est son ennemi suprême, et du coup si le Joker en plus d'avoir cartonné raffole des Oscars, ça va leur faire chier. Et là, maintenant, ils commencent à dire que oui, le Joker, il est plus trop dans la course, qu'il y a d'autres meilleurs films, qu'il y a d'autres meilleurs acteurs. Après, c'est des rumeurs. Non, c'est que des rumeurs, oui, bien sûr. Mais je vois ça de plus en plus, là, tu vois. Je me dis que ce serait pas étonnant. Si t'en parles, ça fait très longtemps que Disney propose à Robert Downey Jr. de candidater au acteur. Robert Downey Jr. s'est toujours refusé à ça. Le truc, c'est que si jamais il craque avant les Oscars et qu'il finit dans la catégorie meilleur acteur, moi, je vais serrer du cul hein, quand ça va passer. Non, mais là, c'est la blague du siècle. Mais ils l'ont pas inscrit. Moi, il l'inscrit, ils essaient de l'inscrire en fait, mais. Lui, il veut pas faire. Hein, je suis pas Robert Downey Jr. Lui, il veut pas. Il dit non, c'est pas normal. Et il a raison. Il en a déjà en plus d'Oscar. Oui, voilà, mais bon, là, c'est pas pareil. Tu vois, là, c'est vraiment parce que c'est l'icône de toute une génération qui kiffe Robert Downey Jr. en Iron Man. Mais bon, ma foi. Parce qu'en plus, parce que Infinity, que le dernier Avenger, la Endgame, Oscar, c'est une blague du siècle parce que leur film, il est. Je vais pas dire qu'il est explosé au sol, mais c'est pas ouf, quoi. Franchement, il était 10 fois moins bien qu'Infinity War en termes de. 10 fois moins bien. Et puis même les performances là d'acteurs, mais j'en vois, il y a rien. C'est pas parce qu'au bout d'un moment, au bout de 30 secondes, il est là, les yeux humides, que ça doit gagner l'Oscar, quoi. Faut arrêter le délire, quoi. Parce que c'est nul. Franchement, c'est nul. Mais voilà, ça te prouve bien que quand ils veulent te mettre Robert Downey Jr. dans la course, c'est que tu vois ce qu'ils ont en tête, tu vois, ils respectent même plus le cinéma, quoi, ils en ont rien à branler. Et c'est limite là une guerre d'ego qui est en train de se jouer. C'est même plus là, c'est plus du cinéma, c'est eux pour leur ego, parce que pour moi, déjà de base, il n'y a quasiment aucun film Disney qui mérite d'être nominé. Je te dis la vérité, il y en a pour moi, il y en a quasiment aucun. Pour la technique, peut-être. Oui, oui, alors, par exemple, le Roi Lion. Alors, j'ai trouvé le Roi Lion nul à chier, mais la technique, ok, il peut y être nominé, il peut y être. Demain, il le gagne, limite, ce serait pas choquant sur la technique. Mais après. Là, pour le coup, il y est même pas. Ouais. Non, Disney pur, parce que Disney Fox, les films qui sont aux Oscars cette année, c'est pas des prods Disney de Fox. Ah, parce que je pensais à Ad Astra, mais bon. Ouais, mais non, je te dis, c'est pas une prod Disney, c'est une prod Fox. C'est pas Disney Ad Astra, ouais. Donc, bon, on verra bien, mais. Ouais, franchement, ça fait peur. Mais en tout cas, écoutez, soyez là pour l'édition des Oscars. Moi, je serai. Un petit truc sympa. Puis on essaiera de se faire un truc dans la nuit, carrément, si on peut et qu'on y arrive. Comme ça, bah, écoutez, préparez les bagues de crachat. C'est pas ça, ma dégoût, mais. Parce que c'est ce qui se passe avec Black Panther, ça se reproduit cette année. Moi, je vais juste pleurer, en fait. Ah, c'est honteux. Parce que Black Panther. Enfin, l'année dernière, en plus, entre Black Panther et Bohemian Rhapsody, j'étais au bout du rouleau. Non ah, mais Bohemian Rhapsody, c'est même pas Disney. Oui, c'est même pas Disney. Quoi, montage. Arrête, je vais faire un malaise. Je vais faire un malaise. Voilà. Ah ouais. Si, si on part de ce côté-là, Taron Egerton, il mérite un Oscar aussi. Il peut le mériter pour moi. Ah, pour le coup, pour moi, il peut le mériter. Ah, mais moi qui suis nominé, ça me choque pas. Ah, moi, il mérite. Ah oui, qu'il soit nominé, pour moi, c'est normal. De toute façon, pour moi. C'est pour moi le plus gros concurrent de Joaquin Phoenix, pour moi c'est lui. Non, il y a Adam Driver, t'es ouf. Franchement, pour moi c'est en dessous des deux. Bon, ok, attends, on en parlera après, pendant la critique de Marriage Story. Ouais. Mais en tout cas, ouais, je sais pas trop ce qui va se passer, mais bon, on verra bien, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là pendant cette émission. Au plaisir. Bah ouais, carrément. Bah écoute, avec plaisir. À la semaine prochaine, on se dit. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.